C'est le tango des gens heureux, ceux qui vont au cinéma, s'offrir un petit moment à deux, quand il reste des sous en fin de mois. C'est le tango des gens marrants, ceux qui rigolent aux blagues des autres, ou bien qui font si bien semblant qu'ils en viennent à trouver ça drôle. Moi, ce tango ne me dit rien, je ne connais que la gringuette. One, two, three. J'aime pas les gens, je préfère leurs chiens. Leur conversation est moins bête. C'est le tango des militaires, qu'ils soient gradés ou bien soldats, qui se dansent sans faire de manière. Au garde à vous, le dos bien droit. C'est aussi le tango des gendarmes, que certains trouvent plus sympathique, car ils se dansent avec une arme que l'on frotte de façon lubrique. Mais ce tango n'est pas le mien. Moi que l'on traite d'anarchiste, ben ouais. D'ailleurs cela se pourrait bien, car n'étant pas militariste, c'est le tango des bons bourgeois. Ce qui aurait des vraies pensées, à quoi que l'argent de ces gens-là, par le rire pourrait s'envoler. C'est le tango nationaliste, pur sang, pur beurre et sans ajout, que l'on lance entre les pénistes, que l'on lance entre nous surtout. Mais ce tango, celui-là non plus, n'est pas vraiment fait pour me plaire. Moi que bien souvent dans la rue, on traite de sale libertaire. Car moi mon tango, messieurs, dames, se danse celui sans règle aucune, même si à vos yeux je me damne, vous bien pensant je vous en... C'est le tango des abrutis, ceux qui vivent comme des moutons, qui pensent qu'Obispo et Pani chantent de très jolies chansons. C'est le tango réalité, que l'on lance le soir sur M6, que l'on lance en étant filmé, en espérant devenir artiste. Ah, ce tango là je le fuis, comme d'autres fuient la lèpre ou la rage. Moi j'aime le tango des perdus, pas celui des oiseaux de passage. C'est le tango des vieux grincheux, ceux qui font la queue au guichet, qui voudraient que l'on s'occupe d'eux avant que tout le monde, ils sont pressés. C'est le tango des gens pleins d'espoir, parce qu'ils ont joué au loto, qui se voient déjà en Jaguar, se paye du rêve à 2 €. Enfin ce tango là encore, non, je ne sais pas le lancer, mais le mien vaut tout le trésor, et y'a pas besoin de gratter. Bah non.